Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Histoire vivante, cette semaine, l'Amérique comme cible. It is a historic turning point of great significance for all peace-loving nations. Personnellement, je suis prêt à abandonner tout ce qu'on a construit là pour essayer la paix. La diplomatie américaine, des accords de Camp David à Sabra et Shatila. Well, we know that this... Nous savons que ce chien enragé du Proche-Orient a pour but la révolution fondamentaliste islamique mondiale. Avec ce deuxième volet de la semaine consacré aux relations diplomatiques que les États-Unis ont entretenues sous le gouvernement Carter et le gouvernement Reagan, nous allons aujourd'hui évoquer les relations avec l'Iran. Autant dire tout de suite qu'on va pas aller vers le beau. Du départ du Shah aux otages américains, en passant par leur tentative de sauvetage plutôt ratée, nous allons avoir aujourd'hui affaire à une Amérique qui hoquette, éternue et change de président. Chapitre 1. Il faut un commencement à tout. Commençons donc par ce commencement-là. Il était une fois un chat qu'on chassa. Mais bien avant cela, ce chat nommé Mohamed Raza, fils aîné de Reza Shah, fut un chat fort correctement dressé. Élevé à l'école des cadets, éducation française, extrêmement stylé, on sait se tenir à table, tenir une conversation, se servir des couverts, etc. Un petit passage en Suisse, histoire de peaufiner un peu l'ensemble, et le voilà fin prêt, pourvu de tout le bagage occidental nécessaire. Papa éduque fifis à la vie militaire, marcher au pas, faire tourner le dada au manège, bien tirer dans la cible. Non, dans la cible, on a dit. Voilà. Peu après, petit Momo, il s'appelle Mohamed, hein, on l'a déjà dit, est fin prêt. Il prête serment et devient chat. Alors aussitôt il traîne pas, il annonce la redistribution des terres de la couronne, décrète l'amnistie générale de tous les prisonniers politiques et se ménage le soutien de l'armée. Du soutien, il lui en faudra et il n'aura de cesse d'en chercher tout au long de son règne de despote éclairé. Entre les attentats auxquels il échappe et sa défiance absolue vis-à-vis de l'ogre qui lui sert de voisin, à savoir l'URSS, il ne s'agit pas pour lui d'accumuler les grasses matinées. C'est en 1962 qu'il tente son grand coup, la Révolution blanche, en procédant par le haut aux réformes qu'il fait approuver le 27 janvier 1963 par référendum. Réforme agraire, nationalisation des forêts, intéressement des ouvriers à la production, création de l'armée du savoir, etc., etc. L'Iran progresse, une classe moyenne en émerge, c'est toujours le signe, ainsi qu'une nouvelle bourgeoisie d'affaires qui revendique de la liberté et de la marge de manœuvre. Tout va comme ci, comme ça, jusqu'au moment où le Shah découvre un complot menaçant la famille royale. Dès lors, à l'aide de la SAVAK, sa redoutable police politique, il va manier le bâton et tenter de juguler la montée de l'opposition, notamment la religieuse. Depuis la France, un barbu de son pays, qui a dû se brûler la première fois qu'il a souri, dirige la révolution. Il va bientôt prendre un billet retour pour Téhéran et le monde va s'enflammer à la vitesse grand V. Bientôt, une grève, sinon générale, tout au moins quasi permanente, paralyse l'Iran. Ajoutez à cela chaque jour de nouvelles manifestations, religieuses comme il se doit. Cela fait 26 ans qu'il est au pouvoir, ça le gratte un peu, mais il n'a pas le choix, faut faire les mâles. Le 16 janvier 1979, Jacques Amélie raconte la suite en liaison avec la radio romande. Téhéran explose, exulte, le chat est parti. Partout, on crie, le chat ne reviendra plus, Khomeini reviendra. Partout dans la ville, les voitures ont allumé leurs phares, leurs conducteurs klaxonnent. Ils font marcher leurs essuie-glaces avec des bouts de tissu accrochés. Les gosses distribuent des bonbons par milliers, des dattes, des gâteaux. Il y a des scènes de fraternisation avec les soldats qui restent cependant impossibles. C'est une explosion de joie qui s'est produite peu après 14 heures locales lorsque la radio, la première, a annoncé aux Iraniens que le roi était parti. Alors pour se faire une petite, oh une toute petite idée de Radio Téhéran, voici l'archive, attention, elle n'est pas très longue, hein, tendez bien l'oreille, on annonce le départ du Shah d'Iran. Téhéran n'est plus qu'une immense klaxonnade, une immense fête, une sorte de kermesse invraisemblable. C'est la joie de grande partie de la population à l'idée que le chat a quitté l'Iran. Une heure à peine après le départ du chat d'Iran, lorsque la radio nationale a annoncé son départ, la ville a été complètement prise d'une sorte de liesse fantastique. On jetait partout des bonbons, des gâteaux, des dragées qui symbolisent l'amitié. Les boulangers donnaient des gâteaux au peuple. Le peuple brandissait des photos de l'ayatollah Khomeini, les apposait partout, sortait des billets d'argent dans lesquels on avait enlevé le portrait du chat pour le remplacer par celui de Khomeini. C'était des scènes de danse, des scènes de fraternisation. Moi-même, j'ai été embrassé au milieu d'une place par quelqu'un qui me disait « Vous êtes français, vous avez protégé Khomeini ». Et effectivement, peu à peu, il s'est dégagé l'impression à Téhéran que le régime du Shah d'Iran s'était effondré aujourd'hui. Pour l'instant, on en est au dragé, mais dans pas longtemps, on va passer aux pralines. À tout de suite. Roi des mots et de la rime, prince de l'insolence et de la dénonciation, Hubert Félix Thiéphen est classé parmi les inclassables. Alors que Khomeini mène la résistance iranienne contre le chat, Hubert Félix délire sur une fille particulière, la fille du coupeur de joie. Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie. Lamenter sur notre malheur en se disant qu'on se tape bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, là qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zipplin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Passer la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Chapitre 2. Neufle le château, son église, ses quatre restaurants, sa mairie, sa station-service et son barbu. Depuis 1964, il trépigne Rola Khomeini, depuis le mois d'octobre exactement, parce qu'il râlait à propos de la politique du chat, pas d'accord avec sa réforme agraire, pas d'accord avec les relations militaires, irano-américaines, bref, d'accord sur rien, jamais content. On lui claque la porte au nez et on lui dit d'aller prier ailleurs, ça lui fera voir du pays, et on l'expédie en Irak. Là-bas, il moisit plus ou moins, ronge son frein, se fait les ongles, relit Mahomet jour et nuit et commence à devenir teigneux. Si bien qu'un jour, persona non grata, on lui dit qu'il aille se faire voir ailleurs. Et c'est là que... Eh oui, il atterrit à Neufle-le-Château. Du coup, Neufle-le-Château devient célèbre dans le monde entier, alors qu'auparavant, personne, absolument personne, n'avait entendu parler de Neufle-le-Château, Sauf les habitants de Neufle-le-Château, petit bled à 40 km à l'ouest de Paris, gros comme une tête d'épingle, et l'imam que l'exil a rendu grognon commence à enregistrer ses coups de griffe et balance au travers de cassettes ses discours contre le régime. Comme il s'entraîne depuis 15 ans, il a de l'abattage. Les cassettes, il les enregistre comme des petits pains. Sur place, ça se distribue sous le manteau. C'est ainsi, charisme et naissance aidant, il est issu d'une très haute et très estimée famille d'ayatollah, qu'il devient le symbole de la révolution contre la dictature. C'est toujours comme ça que ça s'appelle, un changement de régime dans un pays non démocratique, révolution contre la dictature. Rien de tel pour fédérer les misères. Vive Khomeini, République islamique, longue vie à Khomeini. Aujourd'hui encore plus qu'hier, Neufle-le-Château était en Iran. Dans le verger enneigé du petit pavillon où l'ayatollah a logé son état-major, on fêtait la victoire. Beaucoup, beaucoup de journalistes, un service d'ordre toujours bon enfant, mais tout de même plus important que jusqu'ici, le soleil et la neige, voilà pour le cadre. C'est à 11h30 ce matin que la nouvelle s'est répandue. Le Shah a quitté le pays. La radio iranienne venait de l'annoncer, c'était donc officiel. La large banderole flottant dans le jardin et sur laquelle on pouvait lire « Mourir vaut mieux que l'humiliation » perdait un peu de son sens tandis que le sourire se lisait sur les visages de l'entourage de l'ayatollah. Khomeini faisait alors publier un premier communiqué pour appeler déjà à la reconstruction du pays, pour protester contre l'attitude des États-Unis qui, selon lui, se sont mis à démanteler les installations militaires sophistiquées que l'Iran avait achetées, pour demander encore le rapatriement de tout l'argent envolé à l'étranger, enfin pour renouveler son appel à la démission du gouvernement et du conseil de régence. Puis l'ayatollah est apparu, avec lui aussi un sourire aux lèvres, mais léger, très léger. Allah Akbar, Dieu est grand. Les Iraniens présents à Neufle-le-Château, ils sont environ 50 avec femmes et enfants, accueillent leur chef. Leur chef qui va expliquer qu'il rentrera en Iran à la première occasion qu'il jugera favorable, mais qu'il va très bientôt faire connaître la composition d'un gouvernement provisoire. Il répète son accusation contre les États-Unis. Il réclame une nouvelle fois que rentre l'argent transféré à l'étranger par la famille du Shah ou par la riche bourgeoisie iranienne, tout en soulignant que le départ du souverain n'est que la première étape vers la complète abolition de 50 ans de brutalité des Pahlevis. Le retour au pays de Rouhollah Khomeini sème une pagaille assez monumentale, notamment chez les Américains. D'ailleurs, depuis quelques années, l'ambiance n'est plus au beau fixe aux États-Unis. Les Américains, traumatisés par la guerre du Vietnam, l'affaire Nixon, cherchent leurs repères. Leurs valeurs morales et leurs engagements passés sont bafoués, ridiculisés. L'Américain n'aime plus l'Amérique. À leur retour, les vétérans du Vietnam sont accueillis comme des pestiférés. Le cinéma va s'en inspirer, ça donnera toutes sortes de styles, de Voyage au bout de l'enfer à Rambo, de Johnny Got His Gun à Taxi Driver. Quant au président Carter, lui, il ne cimente guère le pays. Certes, le coup de Camp David et des accords égypto-israéliens lui a redonné du bonus dans les sondages, mais le gaillard s'obstine dans le respectueux. Respect de la souveraineté des nations, respect des droits de l'homme. C'est bien joli tout ça, mais pour se savonner la planche vis-à-vis de ses propres services secrets, on fait pas mieux. La CIA attend avec impatience le successeur de Jimmy Carter. En attendant, voici les réactions à Washington à la suite du départ du Shah, commenté par Jean-Claude Buffle. Indubitablement, le départ du Shah constitue un échec très grave pour les États-Unis. Il était pour eux une pièce maîtresse de leur dispositif stratégique et politique. Plus précisément, son départ vient souligner deux erreurs de la diplomatie américaine. En s'appuyant sur lui exclusivement et en négligeant son opposition, les États-Unis ont oublié qu'une grande puissance a avantage à fonder sa politique étrangère sur des nations et non pas sur des régimes particuliers. En s'appuyant sur le monarque iranien, les États-Unis avaient également cru qu'ils pourraient confier à une grande puissance régionale le soin de défendre leurs intérêts fondamentaux. Mais l'écroulement brutal de la monarchie iranienne montre la fragilité d'un tel calcul. Ce qui s'est passé en Iran pourrait se passer demain en Indonésie, au Nigeria ou au Brésil, ces autres puissances moyennes avec qui les États-Unis auraient souhaité nouer une relation privilégiée. Plus immédiatement, la chute du monarque iranien va entraîner, pense-t-on à Washington, un durcissement de l'Arabie saoudite. Comme l'écrivait ce matin un éditorialiste du Washington Post, sans l'appui du trône iranien pour tenir en respect les régimes arabes plus radicaux, comme l'Irak, la Syrie ou la Libye, l'Arabie saoudite aura plus de peine à résister à leur pression et va donc se montrer plus dure vis-à-vis des États-Unis, qu'il s'agisse du prix du pétrole ou du conflit du Proche-Orient. Chapitre 3. Il était une fois la révolution. Le départ du Shah d'Iran entraîne une vacance du pouvoir, occasion ouverte à toutes les rivalités. Un parti de la République islamique est créé, il prend rapidement une emprise considérable. La tension entre les islamistes d'un côté et les autres forces de la coalition ne fait que s'accentuer. Ce qui nous donne islamistes d'un côté, coalition de l'autre. Étrange coalition en vérité, mélange de libéraux et de marxistes, les tumultes du monde engendrent toute forme de bâtardise. Mais en même temps, on peut dire qu'à cette période, peut-être le temps d'une année, jamais la liberté d'expression n'a été aussi forte en Iran. Elle s'accompagne presque naturellement du chaos. D'un côté, on prépare des élections libres, de l'autre, la répression contre les dignitaires de l'ancien régime fait rage, procès sommaire, élimination en masse. On penserait presque à... Mais non, nous sommes au XXe siècle, en Iran. Et chaque jour, afin d'ajouter à la terreur, les photos des suppliciés sont montrées à la une des journaux. Chapitre 4. Une ambassade en embarras. Et soudain, le 4 novembre 1979... l'histoire enfonce la pédale de gauche. Accélération subite. Le Shah vient d'arriver aux États-Unis. La pression dans la rue en Iran est quotidienne. Longue vie à Khomeini, Allah est grand, mort à Carter et à son hôte. Des slogans à nouveau criés par des centaines de milliers de voix, à nouveau. C'était il y a 2 heures à peine dans les immenses jardins et sur le stade de football qui entoure l'université de Téhéran. Un nouvel et immense rassemblement. C'était comme chaque vendredi, la prière, car en fait nous sommes aujourd'hui dimanche à Téhéran. Avec là encore plein d'images, toujours aussi contrastées. Des hommes, déchaussés, à genoux ou assis sur de petites nattes, en plein soleil. On lit le Coran, mais on se passe aussi le manuel du parfait petit expert en armes, avec explications détaillées des opérations de montage et de démontage de fusils mitrailleurs de toutes sortes et de toutes marques. Alors qu'en Iran, on exige son retour afin de l'assigner en procès, à Téhéran, des étudiants, ou se prétendant comme tels, suivant la ligne du parti de l'imam, prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis. Quelques instants plus tard, les diplomates américains qui se trouvaient à l'intérieur de l'ambassade sont pris en otage. Les islamistes mettent la plus grande puissance du monde à l'épreuve. L'ayatollah Khomeini a apporté ce soir son complet soutien à la poignée d'étudiants islamiques qui a occupé l'ambassade américaine et ne lâchera les otages américains que si les Américains extradent le Shah. Avec le total appui donc de la hiérarchie religieuse, une centaine d'étudiants islamiques inconditionnels de l'ayatollah Khomeini sont donc actuellement toujours à l'ambassade américaine. Alors qu'on les croyait rejoindre la grande manifestation prévue dimanche à l'université pour commémorer le premier anniversaire de l'assaut de cette même université par l'armée, des manifestants sous l'œil débonnaire d'un service d'ordre pourtant important ont sauté par-dessus les murs du vaste parc et armés de gourdins ont attaqué les bâtiments communs, bureaux, chancellerie et résidences. Mais quelques marines chargées de la sécurité ont vite été débordées et après avoir tiré des grenades lacrymogènes ont été prises en otage et amenées avec d'autres américains et iraniens, les yeux bandés et poings liés vers un bâtiment annexe. Les choses en sont là dimanche soir. Les étudiants extrémistes occupent et ont fait venir des sandwichs. Les otages américains sont toujours retenus. Quant au chargé d'affaires américain, M. Bruce Langen, qui n'était pas chez lui, dans la résidence qu'il occupe sur les lieux mêmes, il a demandé à être reçu par le ministre des Affaires étrangères et tente une difficile négociation. Il est difficile de tirer un enseignement de cette occupation qui paraît avoir été préméditée, menée à bien avec l'accord de la hiérarchie religieuse et en tout cas sans qu'interviennent les importantes concentrations de forces de sécurité que l'ambassade, comme toujours, dès qu'il y a une manifestation de prévue, avait demandé. Le soutien officiel de l'imam complique en effet ce qui aurait pu paraître au début comme une simple occupation. Compris et n'a pas réagi. Face à cette nouvelle vacance du pouvoir, on ne peut que rappeler les paroles ces jours derniers du guide de la Révolution qui a une fois encore violemment critiqué les autorités. N'attendez rien, a-t-il dit, de ces cerveaux pourris. Le pays est à vous, habitants des bidonvilles. Prenez-le. Un mois plus tard, la Constitution est adoptée et c'est la naissance de la République islamique. Si le Parlement et le Président sont élus au suffrage universel, le pouvoir quasi absolu est donné au guide de la Révolution islamique. Le premier Président élu démocratiquement est Bani Sadr. Avec le Président du Parlement, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, il lance la Révolution culturelle. Comme disait Goebbels, quand j'entends le mot « culture », je sors mon revolver. Là, en guise de culture, les universités sont fermées jusqu'à une date ultérieure et non précisée. Quant aux intellectuels, la saison de la chasse est ouverte, en Iran comme bientôt dans n'importe quel endroit du monde. Chapitre 5. Un président impuissant d'un État fort puissant. Dans sa campagne électorale, Jimmy Carter s'était présenté comme un homme ne pouvant pas mentir. Waf waf avait fait les cyniques, qu'importe, il succède à Gerald Ford, un président un peu effacé, mais qui a recollé les Américains avec leur pays, déjà pas si mal. Et la première année à la Maison Blanche force le président Carter à regarder en face les réalités de la politique américaine. Il doit digérer un relèvement de l'impôt lié à sa réforme de la sécurité sociale. Il demande au Congrès d'accepter un programme concernant l'énergie. Ça tourne en eau de boudin avec des débats qui n'en finissent pas et sans parler du toujours désagréable premier rééquilibrage du budget. En général, les poubelles sont jamais assez grandes pour y balancer toutes les promesses qu'on a tenues à ses électeurs. En fait, quand on relit le mandat de Carter sur ses 4 ans, on est frappé de voir à quel point le bonhomme a suscité de controverses quant à ses choix, notamment en politique extérieure. Le choix d'Andrew Young, un noir américain farouchement engagé dans la lutte contre le racisme comme ambassadeur des États-Unis à l'ONU, résume à lui seul les oppositions que Carter a dû trouver à l'intérieur de son propre pays. Il y a bien une doctrine Carter fondée sur les droits de l'homme, le respect et la tolérance. Mais en ce foutu mois de novembre 1979, lorsque les étudiants iraniens envahissent l'ambassade américaine et prennent les diplomates et le personnel en otage, le président Carter sait qu'il aura désormais à employer un langage qui lui est peu familier et qu'il maîtrise mal, la violence. Pour la première fois, en effet, dans un communiqué publié en fin d'après-midi, la Maison-Blanche a laissé entendre qu'elle pourrait recourir à la force si les otages n'étaient pas libérés. Le gouvernement américain, affirme ce communiqué, cherche une solution pacifique à la crise. Une telle solution serait de loin préférable aux autres recours qui sont ouverts aux États-Unis. Mais ces recours sont explicitement reconnus par la Charte des Nations Unies. Ces autres recours que reconnaît la Charte de l'ONU, c'est le droit à la légitime défense en cas d'attaque armée, et le communiqué de la Maison-Blanche indique que les États-Unis sont désormais prêts à s'en prévaloir si l'ayatollah Khomeini persiste dans son intention d'intenter aux diplomates otages un procès pour espionnage que le gouvernement américain considérerait comme l'équivalent d'un acte d'agression. Et pour joindre le geste à la parole, le porte-avions Kitty Hawk et 3 destroyers ont reçu l'ordre de quitter les Philippines pour se rendre dans l'océan Indien. Enfin, la mine extrêmement sombre et martiale à la fois qu'arborait Jimmy Carter à sa descente de l'hélicoptère qu'il avait brièvement amené de sa retraite de Camp David à la Maison Blanche, le temps de préparer ce communiqué qui est presque un ultimatum, était peut-être le message le plus éloquent que pouvait exprimer le gouvernement américain. Le doute n'est plus permis, cette fois-ci, l'heure est grave. Le porte-avions City Hawk et 3 destroyers ont donc appareillé direction l'océan Indien. Côté iranien, on veut bien relâcher les otages, mais comme tout a un prix, ma pauvre dame, en ce bas monde, ils demandent à être payés en armes. Pourquoi en armes ? Eh bien parce que côté Irak, ça commence à se détériorer. Détériorer sérieusement. Carter refuse le marché, mais il faut se rappeler que le Shah, lui, se fournissait avant chez les Américains. Donc l'armement iranien est américain. Et quand ça rouille ces machines-là, parce qu'on les a prévues rouillantes, hein, plutôt que garanties à vie, c'est quand même beaucoup moins rentable. Donc, quand ça rouille, quand ça grippe, quand ça coince, faut remplacer. Ça s'appelle le service après-vente ou les pièces détachées, comme on veut. Alors, Rouhani demande à Jimmy de la pièce détachée et Jimmy, il veut pas parce que Rouhani lui a pris ses amis en otage. Hein, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du sac de nœuds. Moralité, une seule solution, on va passer au bourre-pif. Nom de l'opération, Desert One. Objectif, libération d'otages. Pays, Iran. Moyen matériel, Agence Centrale d'Intelligence, la CIA. L'opération Desert One va être menée de façon amateur et échouer lamentablement. Les avions seront interceptés, le président Carter a signé son billet de sortie. La suite vous est racontée par Jérôme Blondeau. Les étudiants islamiques ont réagi avec la précision qui les caractérise désormais à l'opération américaine avortée de libérer des otages prisonniers. Ils ont décidé de transférer la totalité des otages détenus et de les disperser dans différentes villes des provinces iraniennes. Ils ont ensuite déclaré que ces otages, dans les villes, seraient placés sous la responsabilité conjointe de la population locale et de certains des étudiants qui occupent en ce moment l'ambassade. Ils ont aussi exigé de ce même peuple iranien qu'il assure désormais une protection plus efficace de l'ayatollah Khomeini qui, isolé dans le nord de la ville, ne bénéficie effectivement d'aucune protection spéciale. Car ils ont sous-entendu, ces étudiants islamiques, que les criminels desseins de Carter étaient doubles en tentant cette opération aéroportée. Celle de libérer des otages, certes, mais aussi celle d'en finir avec la révolution iranienne en attentant à la sécurité du guide de la révolution. Ils ont en outre dénoncé la complicité de certains Iraniens dont seul, ont-ils dit, la collaboration avec la CIA a permis de monter une telle opération. En plaçant ainsi les otages américains et l'imam Khomeini sous la responsabilité de la population, les étudiants islamiques entendent accélérer la création de cette armée de 20 millions d'Iraniens annoncée vendredi par Khomeini lui-même. Le 17 juillet 1980, sur les ondes de la radio romande. Au jour le jour, en direct de Verbier ce soir avec Sylvie Cohen. Madame, monsieur, bonsoir. Il y a une heure à peine, le 40e président des États-Unis, le républicain Ronald Reagan, prêtait serment à la Maison-Blanche. Jamais, en tout cas, cérémonie d'investiture n'a été aussi menacée d'être perturbée jusqu'à la dernière minute. C'est que l'on attendait depuis ce matin à Washington l'annonce de la libération des otages américains détenus à Téhéran. Mais l'Iran n'aura même pas laissé à Jimmy Carter le loisir d'annoncer lui-même cette libération qu'il a chèrement négociée. Car la nouvelle vient d'intervenir il y a quelques instants à peine, les otages ont quitté Téhéran. Personne ne doute ici que, semble-t-il, que les otages ne soient bel et bien envolés, et on a vu le contraste sur le visage de Jimmy Carter, qui avait un visage extrêmement sombre pendant la prestation de serment de son successeur. On vient de le voir maintenant à la télévision en train de prendre l'avion pour quitter Washington, et il avait un sourire éclatant. Demain, un nouveau président pour l'Amérique et un nouvel affrontement avec la Libye du colonel Kadhafi. On pourrait faire remonter l'origine du radif, répertoire traditionnel de la musique classique persane, à un passé aussi lointain que celui de la naissance de la poésie persane. Hossein Amouri joue le naï, cette flûte taillée à partir du roseau, reconnue par les historiens comme le plus ancien instrument de musique du monde. Majid Khalaj est au tombak, tambour à peau. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch.